Le mariage vendéen par Jules Janin. Baudelot de Derval était le petit-fils de ce même César Baudelot dont il est question dans les mémoires de la duchesse d'Orléans, la propre mère du régent Louis-Philippe. Cette femme, qui jetait tant de mépris sur les plus grands noms de France et qui n'a épargné ni son fils ni ses petites filles, n'a pas pu s'empêcher de parler avec éloge de César de Baudelot. Saint-Simon, ce gentilhomme sceptique et moqueur, mais bon gentilhomme, parle avec éloge des Baudelot. Vous comprenez donc que le jeune Henri, avec un pareil nom emporté, ne fut pas des derniers à se rendre dans la première Vendée pour y protester, les armes à la main, contre les excès de la Révolution. Baudelot se fit vendéen, tout simplement parce qu'il n'y avait pas alors autre chose à faire pour un homme de son nom et de son caprice. Il se battit comme on se battait là-bas, ni plus ni moins. Il était l'ami de Catelineau et de tous les autres. Il assista à ces batailles de géants. Il y assista en riant et en chantant quand il s'était bien battu et qu'il n'entendait plus le cri des blessés. Quelle guerre, quelles tempêtes livides furent comparables à celle-là. Mais ce n'est pas mon compte de refaire un récit fait si souvent et avec des couleurs si différentes. Ce n'est donc pas mon fait, ni le vôtre, de vous raconter ou d'entendre raconter les belles actions de Baudelot de Derval. Seulement, je veux vous dire qu'un jour, Louis XIIIe, surpris dans une ferme par un détachement de bleus, Baudelot assembla sa troupe à l'improviste. « Mes amis, dit-il, la ferme est cernée. Fuyez tous. Emmenez ces femmes et ces enfants. Allez rejoindre notre chef Catelineau. Pour moi, je reste et je défends la porte. Je tiendrai bien 10 minutes tout seul. Ils sont 300 là-bas qui nous égorgeraient tous. Adieu, adieu mes braves, pensez à moi. À mon tour aujourd'hui. Vous autres, vous vous ferez tuer demain. » Dans ces temps d'exception et dans cette guerre exceptionnelle, on ne s'étonnait de rien. On ne songeait même pas à ces luttes d'héroïsme, si fréquentes dans les guerres élégantes. Dans une lutte d'extermination comme celle-là, on n'avait pas le temps de faire de la grandeur d'âme. On ne se drapait pas héroïquement. L'héroïsme était tout nu et tout cru. Aussi, les soldats de Baudelot, entendant ainsi parler leur chef, jugèrent, à part eux-mêmes, que leur chef parlait bien. Et ils lui obéirent aussi simplement qu'il leur avait commandé. Ils se retirèrent par le toit, emmenant les femmes et les enfants. Baudelot, cependant, restait à la porte, faisait du bruit comme 40, haranguant, disputant, faisant retentir son fusil. On eût dit que tout un régiment était derrière cette porte, prêt à faire feu. Les bleus se tenaient sur leur garde. Baudelot fut ainsi sur la défensive tant qu'il eut de la voix. Mais quand la voix lui manqua, et lorsqu'il jugea que sa troupe était en lieu de sûreté, l'innocent jeune homme se fatigua de cette feinte guerrière. Il se sentit mal à l'aise de commander ainsi à une troupe absente, et sans plus parler davantage, il n'eut plus d'autre souci que d'étayer en dedans la porte. Alors, après avoir parlé comme 10, il fit l'ouvrage de 10. Cela dura encore quelques minutes. Cependant la porte craqua, les bleus firent feu par les jointures. Baudelot ne fut pas blessé, et comme il avait été interrompu dans son repas, il se mit à table, achevant tranquillement de manger un morceau de pain et de fromage, et de vider un pot de piquette, se disant à lui-même qu'il faisait son dernier repas. À la fin, la porte fut forcée, les bleus entrèrent. Il leur fallut quelques minutes pour débarrasser de tous les obstacles la porte de la maison, et pour se reconnaître au milieu de la fumée de leurs fusils. Les soldats de la République cherchaient avidement du regard et du sabre cette troupe armée qui leur avait tenu tête si longtemps. Vous jugez de leur surprise lorsqu'au lieu de tous ces hommes dont ils avaient cru entendre distinctement les voix, ils ne découvrirent qu'un très beau jeune homme d'une haute taille, d'un visage très calme, qui mangeait tranquillement un pain noir arrosé de piquette. Les vainqueurs s'arrêtèrent, muets d'étonnement, appuyés sur leurs fusils. Ce qui donna le temps à Victor Baudelot de vider son dernier verre et d'achever sa dernière bouchée. « À votre santé, messieurs !» leur dit-il en portant son verre à ses lèvres. La garnison vous remercie du répit que vous lui avez donné. En même temps, il se leva et alla droit au capitaine. « Monsieur, lui dit-il, il n'y a que moi dans cette maison. Je suis tout prêt à passer derrière le buisson que voilà. » Puis il ne dit plus rien, il attendit. À sa grande surprise, Baudelot ne fut pas fusillé sur le champ. Peut-être était-il tombé entre les mains de quelques recrues assez peu exercées pour vouloir attendre 24 heures avant de tuer un homme. Peut-être ses vainqueurs furent-ils arrêtés par sa bonne mine, et par son sang-froid, et par cette honte qu'il y a toujours à se mettre 300 pour égorger un seul homme. N'oubliez pas que dans cette triste guerre, il y avait des sentiments français des deux parts. On se contenta donc de lier les mains de Baudelot et de le conduire ainsi garrotté et très fort surveillé à un manoir des environs de Nantes, autrefois jolie et élégante maison seigneuriale, qui était devenue depuis les guerres une espèce de forteresse. Le maître de cette maison n'était autre que le chef de ces mêmes bleus qui avaient saisi et garrotté Baudelot. Ce breton, gentilhomme quoique bleu, avait donné des premiers dans les transports de la Révolution. Il était du nombre de ces nobles qui ont fait tant d'héroïsme à leur préjudice et qui se dépouillèrent en un seul jour de leur fortune, de leurs armoiries et de leurs noms propres, sans songer à ce qu'ils avaient promis à leur père, à ce qu'ils devaient à leur fils, également oubliés du passé et de l'avenir, victimes infortunées du présent. Mais ne leur faisons pas de reproches à ceux-là, ou bien ils sont morts sous le coup de la Révolution qu'ils ont trop bien servi et qui les a dévorés comme les autres, ou bien ils ont assez vécu pour voir combien leurs sacrifices n'ont profité à personne et comment ils sont restés dépouillés, eux tout seuls, pendant que la France bourgeoise faisait sans eux tout ce rapide chemin. Baudelot de Derval fut enfermé dans le donjon, c'est-à-dire dans le pigeonnier de la gentilhommerie de son vainqueur. Les colombes, chassées par la guerre, avaient fait place aux chouans prisonniers. La prison avait conservé un air calme et débonnaire. Elle était recouverte encore de son ardoise brillante, encore surmontée de sa girouette résonnante. On ne s'était pas cru obligé de mettre des barreaux de fer aux ouvertures par lesquelles s'échappaient les pigeons domestiques pour revenir le soir. Au reste, c'est à peine si l'on avait ajouté un peu de paille à l'ameublement ordinaire du pigeonnier. C'est là que fut enfermé Baudelot. Au premier abord, cela lui parut original d'avoir pour prison le colombier d'un manoir rustique. Il se promit de faire là-dessus une romance, avec accompagnement de guitare, aussitôt qu'il aurait les mains libres. Comme il était ainsi à rêver romance et guitare, il entendit le son d'un violon et d'un galoubet champêtre. Le violon et le galoubet jouaient une marche joyeuse. Baudelot se souleva sur son coude, et à force d'amonceler la paille contre le mur avec son épaule, il atteignit un des trous du pigeonnier. Et alors il vit tous les détails d'une fête. Une longue procession de jeunes gens et de belles dames en robes blanches, précédée par des ménétriers de village. La procession était leste, chacun se livrait à la joie. La fête passa au pied du colombier, ou si vous aimez mieux, au pied de la tour. En passant au pied de la tour, une jeune et jolie personne regarda attentivement au sommet. Elle était blanche et fine de taille. Elle avait l'air rêveur. Baudelot comprit qu'on savait qu'il y avait là un prisonnier. Et pendant que la fête s'éloigne, voilà mon valeureux Baudelot qui se met à siffler l'air de Richard, dans une tour obscure, ou un air approchant. Car c'était un jeune homme versé dans toutes sortes de combats et de romances, aussi habile à manier une épée qu'une guitare, distingué à cheval, distingué à la danse, un vrai gentilhomme d'épée et d'esprit, comme on en voit encore et comme on n'en fait plus. La noce passa. Si ce n'était pas tout à fait une noce, c'était des fiançailles. Baudelot achevait de chanter. Il entendit du bruit à la porte de sa prison. On entra. C'était le maître de la maison lui-même. Il avait été marquis sous Capet. Maintenant, il s'appelait tout simplement Hamelin. Il était bleu et du reste, assez honnête homme. La République le dominait corps et âme. Il lui prêtait son épée et son château, mais voilà tout. Il n'était pas devenu méchant et cruel à son service. Le matin même de ce jour qui touchait à sa fin, le capitaine Hamelin, car il avait été fait capitaine par la République, avait été averti que des chouans s'étaient arrêtés à sa ferme. À cette nouvelle, il s'était mis à la tête d'un détachement, renvoyant ses propres fiançailles à une heure plus éloignée. Vous savez comment il s'était emparé de Baudelot. Une fois Baudelot, le chouan, en sûreté, le capitaine Hamelin était retourné à ses fiançailles, et voilà pourquoi il ne l'avait pas fait fusiller sur le champ. Le capitaine Hamelin n'était pas tellement capitaine bleu qu'il dut tout à fait oublier les vieilles coutumes hospitalières du terroir breton. Il se crut donc obligé de faire une visite à son hôte pendant que les convives de ses fiançailles se mettaient à table. « Que puis-je faire pour vous obliger, monsieur ?» dit Hamelin à Baudelot. « Seigneur Châtelain, » fit Baudelot en s'inclinant, « je vous demande en grâce de me donner au moins l'usage d'une de mes mains, s'il vous plaît. »« Vos deux mains seront déliées, monsieur, » répondit Hamelin, « si vous voulez me promettre de ne faire aucune tentative d'évasion. Seulement, avant de rien promettre, souvenez-vous que demain, à 6 heures du matin, vous serez conduit à Nantes, à coup sûr. Et fusillé à 8 heures, aussi à coup sûr, dit Baudelot. Le capitaine Hamelin garda le silence. Eh bien, monsieur, dit Baudelot, faites-moi délier les mains, et sauf délivrance, je m'engage, sur ma parole d'honneur de gentilhomme et de chrétien, de rester ici comme un pigeon à qui on a coupé les ailes. » Le capitaine Hamelin ne put s'empêcher de sourire à l'allusion de son prisonnier. Il lui fit délier les mains. « À présent, » dit Baudelot, en étendant les bras comme un homme fatigué d'un long sommeil, « à présent, monsieur, je vous remercie, et je suis vraiment votre obligé jusqu'à demain. Et ce n'est pas ma faute si ma reconnaissance ne dure pas plus longtemps. » Le capitaine Hamelin lui dit, « Si vous aviez quelques dispositions dernières à arranger, un testament à faire, par exemple, je puis vous envoyer de quoi écrire. » Disant cela, Hamelin avait l'air ému, et dans le fond il l'était, car on n'est pas breton impunément. Baudelot, voyant son hôte ému, lui prit la main. « Voyez-vous, » lui dit-il d'un air profondément convaincu, « ce simple mot testament me fait plus de mal que cet autre mot, la mort à Nantes. Ce mot-là, faites votre testament, m'a rappelé la mort de tous les miens. Je n'ai personne à qui léguer mon nom, mon épée, mon amour et ma haine, car c'est là tout le bien qui me reste. Pourtant, cela doit être amusant et doux de disposer de sa fortune, d'être généreux au-delà même de la tombe, de se figurer, en écrivant ses derniers bienfaits, les larmes de joie et de douleur qu'on fera verser après sa mort. Cela est honorable et doux, n'est-ce pas, capitaine? N'y pensons plus. » « Je vais vous envoyer à dîner, » dit Hamelin. « Justement, c'est aujourd'hui mon jour de fiançailles, et ma table sera mieux pourvue que de coutume. Ma fiancée vous servira elle-même, monsieur. » Baudelot aperçut à l'un des trous les plus élevés de sa cage une petite marguerite qui avait été semée là par un des premiers habitants du Colombier. La jolie fleur se balançait joyeusement au vent. Elle avait déjà attiré les regards de Baudelot. Il cueillit la jolie fleur. Puis il la présenta au capitaine. « C'est l'usage chez nous, capitaine, de faire à la fiancée le cadeau des fiançailles. Soyez assez bon pour remettre à la vôtre cette petite fleur éclose dans mon domaine. Et à présent, capitaine, bonsoir. Voilà déjà assez longtemps que je vous arrache à vos amours. Dieu se souviendra de votre humanité pour moi, mon hôte. Adieu, portez-vous bien. Envoyez-moi à souper, car j'ai faim et j'ai besoin de repos. » Ils se séparèrent en se disant du regard un adieu amical. On apporta dîner au jeune Vendéen. La jeune fille qui le servait, jolie bretonne aux dents blanches, aux lèvres roses, à l'air pensif cependant, comme cela convenait à une timide enfant des campagnes qui avait déjà vu passer tant de proscrits, servait Baudelot avec une attention sans égale. Elle ne lui laissait ni répit ni trêve qu'il n'eût mangé de tels plats, qu'il n'eût bu de tels vins, car Baudelot fut servi tout à fait comme les convives de la maison. Le repas était magnifique. Le colombier s'en ressentit. C'était presque comme en bon temps, quand les habitants ailés de la tourelle allaient ramasser les miettes du festin. Une fois, comme la jeune fille versait du vin de champagne à Baudelot, « Comment vous appelle-t-on, mon enfant ?» lui dit Baudelot. « Je m'appelle Marie, » dit l'enfant. « Comme ma cousine, » reprit le jeune homme. « Et quel âge avez-vous, Marie ?»« 17 ans, » dit Marie. « Comme ma cousine, » dit Baudelot. Ici le cœur pense à lui manquer, songeant à sa belle parente égorgée par le bourreau. Mais il aurait rougi de pleurer devant cet enfant, qui avait déjà les larmes aux yeux, et ne pouvant lui dire autre chose, il lui tendait son verre. Mais le verre était plein. Mais dans le verre étincelait joyeusement le vin de champagne, et sur ce verre venait tomber le dernier rayon du soleil. Il ne faut pas tromper nos neveux. Rien n'est plus vrai. Le vin de champagne a pétillé et le printemps est venu, même pendant la terreur. Voyant que son verre était plein, Baudelot dit à Marie. « Tu n'as pas de verre, Marie ? Je n'ai pas soif, » dit Marie. « Oh ! Dit Baudelot. « Ce vin que tu vois, qui pétille, n'aime pas être bu par un homme tout seul. Il est bon compagnon de sa nature. Il se plaît au milieu des gais convives. C'est le plus grand soutien de la fraternité dont tu as entendu parler, ma pauvre Marie, et que les hommes comprennent si peu. Fais-moi donc l'amitié de tremper tes lèvres dans mon verre, ma jolie bretonne, si tu veux que je boive encore du vin de champagne avant de mourir. » En même temps, il portait son verre aux lèvres de Marie. Déjà Marie tendait ses lèvres, mais à ce moment mourir, son cœur gonflé déborda, et il versa d'abondantes larmes qui roulèrent dans le vin joyeux. « À ta santé, Marie, » dit Baudelot. Et le vin et les larmes, Baudelot but tout cela à la santé de Marie. Au même instant, le son du cor, le chant du hautbois, l'accompagnement des violons se firent entendre. « Qu'est-ce cela ? » dit le jeune homme, posant son verre et passant tout à coup de l'enthousiasme au sourire. « Dieu me pardonne, » dit-il, « c'est un bal. »« Hélas, » disait Marie, « hélas, oui, c'est un bal. Ma jeune maîtresse ne voulait pas danser, mais son mari et son père l'ont voulu. Elle va être bien malheureuse ce soir. » À ces mots, le jeune Vendéen, « Oh, dit-il, Ma bonne Marie, si tu es bonne, comme je crois, fais cela pour l'amour de moi. Va, cours, vole, dis à ta maîtresse que le comte Baudelot de Derval, colonel de chevaux légers, demande la permission de présenter ses respects. Ou plutôt, ne dis pas cela, Marie. Ou plutôt, va-t'en trouver mon hôte et non sa femme, et dis-lui que son prisonnier s'ennuie, que le bruit du bal va l'empêcher de dormir, que la nuit sera longue et froide, que c'est une charité d'arracher un malheureux jeune homme aux tristes réflexions de sa dernière nuit, que je le prie, au nom du ciel, de me laisser aller à son bal cette nuit, qu'il a ma parole d'honneur que je ne songerai pas à m'échapper. Dis-lui tout cela, Marie, et dis-lui encore tout ce qui te viendra à l'âme et au cœur. Parle un peu haut, afin d'être entendu par ta maîtresse, et d'intéresser ta maîtresse pour moi. Et grâce à toi, Marie, je n'en doute pas, il se laissera fléchir. Alors, si je suis invité à ce bal, alors, mon enfant, envoie-moi le valet de chambre de ton maître. Dis-lui qu'il m'apporte du linge blanc et de la poudre pour mes cheveux. On doit trouver encore un reste de poudre dans le château. Dis-lui aussi qu'il m'apporte un habit de son maître et qu'on me prête mon épée, seulement pour me parer ce soir. Je ne la tirerai plus du fourreau. Mais va donc, Marie, va, mon enfant. » Et le jeune prisonnier, tour à tour, pressait et retenait l'enfant. À voir cela, on n'eût pu s'empêcher de rire et pleurer tout à la fois. Quelques instants après, parut dans le colombier le valet de chambre du capitaine Hamelin. Ce valet de chambre était un vieux bonhomme très fidèle à la poudre, très fidèle aux vieux usages, très regrettant l'aristocratie, dont il était un des membres et un membre fort actif. À la Révolution française, ce valet de chambre avait perdu beaucoup de son importance. Il est vrai qu'il était devenu membre du conseil municipal. Mais, dans ses hautes fonctions, il regrettait plus d'une fois ses longs tête-à-tête avec les plus hauts personnages qu'il avait ajustés dans sa jeunesse. Quoique municipal, ce coiffeur était un bonhomme qui n'avait été dévoué à M. de Robespierre que parce que celui-ci, seul dans la France libre, avait osé conserver la poudre, les manchettes et les gilets brodés. Il apportait aux prisonniers un habit complet que le capitaine Hamelin avait fait faire quand il était marquis, et pour aller à la cour voir le roi quand il avait un roi et une cour. Cet habit était fort beau et fort riche et fort élégant. Le linge était très blanc, la chaussure très fine. Le hôte de Baudelot n'avait rien oublié, pas même les parfums et les senteurs et les cosmétiques d'une toilette de marquis d'autrefois. Baudelot confia sa tête au vieux valet de chambre, qu'il appara avec toute complaisance, non sans pousser de profonds soupirs de regret. Baudelot était jeune et beau, mais il y avait longtemps qu'il ne s'était paré. Quand donc il se vit tout habillé, tout frisé, la barbe fraîche, le regard animé par le repas qu'il avait fait et par le violon qu'il entendait au loin, Baudelot ne put s'empêcher de sourire et d'être content de lui, et de se rappeler ses belles nuits de bal masqué à l'opéra avec M. le comte de Mirabeau. Il n'eut pas jusqu'à son épée qu'on lui remit au sortir du donjon en lui rappelant son serment de ne pas la tirer. Il était nuit quand il traversa le jardin pour se rendre à la salle de bal. À ce bal étaient conviées les plus belles dames révolutionnaires de la province. Mais vous savez que les femmes ne sont pas tellement révolutionnaires qu'elles ne restent quelque peu aristocrates quand il s'agit d'un brave, spirituel, élégant, jeune et beau gentilhomme qui sera fusillé demain. Revenons à notre histoire. Le bal des fiançailles commençait. La fiancée était Mademoiselle de Mailly, la petite nièce de cette belle de Mailly qui avait été si aimée de Madame de Maintenon. C'était une jeune personne blonde et triste, malheureuse évidemment de se livrer à des noces et à la danse dans des temps de proscription. C'était une de ces âmes fortes qui sont très faibles jusqu'à une certaine heure fatale, qui n'a pas encore sonné pour elle. Mais quand cette heure de force a sonné, c'en est fait. Cette faiblesse d'âme devient une énergie invincible. L'héroïne remplace la petite fille. L'héroïne d'un monde ne suffirait pas à intimider celle que tout à l'heure le moindre signe de mécontentement faisait frémir. Éléonore de Mailly était donc fort triste et fort abattue. Les compagnes de son enfance imitaient son abattement et son silence. Jamais vous n'aviez vu une fête bretonne aussi triste. On sentait dans ce bal une confusion inexplicable. Rien n'allait, ni la danse, ni les danseuses. Le malaise était général. Les jeunes gens eux-mêmes, près des jeunes et belles demoiselles, ne cherchaient pas à plaire, et le bal était à peine commencé que tout le monde déjà, sans que personne pût se dire pourquoi, désirait que le bal fût bientôt fini. Tout à coup, la porte de la vaste salle s'ouvrit lentement, et je ne sais pourquoi tous les regards se portèrent en même temps sur cette porte. Mais il est vrai que l'assemblée n'eut à cet instant qu'un seul regard, tant ce bal cherchait avidement une distraction à ses ennuis. Alors, par cette porte, entr'ouverte comme pour un fantôme, on vit entrer un joli gentilhomme de la cour, un type perdu, un bel officier bien riant, bien paré. Il avait l'habit de la cour, la tournure de la cour, les élégantes manières de la cour. Cette apparition fit un charmant contraste avec l'ennui de la soirée et la solennité de cette porte lentement ouverte. Les hommes et les femmes les plus bleus, dans le fond de l'âme, se trouvèrent surpris d'une manière charmante en retrouvant tout à coup au milieu d'eux un débris de cette vieille société française anéantie en 24 heures, hélas. Et de fait, c'était charmant à voir, ce jeune homme proscrit, que la mort attendait demain, qui vient au milieu d'une fête de républicains pour y ranimer les danses, y rappeler la gaieté, et qui ce soir-là ne songe qu'à une chose, être aimable et plaire aux femmes, fidèle jusqu'à la fin à sa vocation de gentilhomme français. L'entrée de Baudelot, que je vous raconte sommairement, fut l'affaire d'une minute. À peine au salon, il ne pensa qu'à se livrer au bal. Il alla donc inviter tout d'abord la première femme qu'on voit quand on est prêt d'aimer une femme. C'était cette jeune fille blonde et nerveuse qu'il avait déjà aperçue dans le jardin. Elle accepta l'invitation du jeune homme sans hésiter, et au contraire avec un grand empressement, sachant que la mort républicaine, la plus implacable de toutes les morts, se tenait derrière son danseur pour lui offrir sa main sanglante. Quand donc les hommes virent que Baudelot dansait, tout mourant qu'il était, les hommes rougirent de leur peu d'empressement auprès des femmes. Toutes les femmes furent invitées à la danse. Les femmes, de leur côté, acceptèrent la main des danseurs parce qu'elles voulaient voir danser Baudelot de plus près. Si bien que grâce à cette victime qui allait mourir, ce bal, tout à l'heure si triste et si solennel, prit tout à coup l'aspect d'une fête véritable. Ce fut parmi ces hommes et ces femmes à qui se livrerait le plus à la danse corps et âme. Quant à Baudelot, il partageait de son mieux ce plaisir convulsif. Il était le seul, dans toute cette foule, qui s'amusa naturellement. Le seul dont le sourire ne fut pas forcé. Le seul dont la danse fut légère et gracieuse. Les autres s'amusaient à force de terreur. Ils s'enivraient jusqu'au délire à l'aspect de ce beau jeune homme qui dansait sans porter ombrage aux hommes et tout en faisant rêver les femmes. Baudelot était le roi de la fête bien plus que le fiancé lui-même, bien plus que la fiancée. Baudelot était le fiancé de l'échafaud. Le bal, animé par tant de passions diverses, par tant de terreurs, par tant d'intérêts sanglants, s'empara de ces hommes de toute manière. Baudelot était partout, saluant les vieilles femmes en roi de France, les jeunes avec admiration et bonheur, parlant aux hommes le fou langage de la jeunesse, langage naturel mêlé d'esprit. Il n'y avait pas jusqu'au violon auquel Baudelot n'indiqua les airs les plus nouveaux. Même, il joua avec beaucoup de vivacité et de justesse une sarabande de Lully. Certes, la main qui fouettait avec tant de justesse la corde d'un violon ne tremblait pas. Et cependant, plus Baudelot se livrait à cette gaieté franche et naturelle, plus il oubliait la nuit, qui avançait avec une rapidité effrayante. En même temps, plus l'heure avançait, et plus les femmes se mettaient à frissonner dans le fond du cœur et à penser qu'il était mort. Car c'était là une époque tellement rapprochée de l'antique honneur français que la seule présence de Baudelot à ce bal détruisait tout espoir de salut pour lui. On le savait plus enchaîné par sa parole qu'il ne l'eût été par des chaînes de fer. Et puis d'ailleurs, en ceci chacun faisait son devoir, Baudelot et Hamelin. Hamelin, en donnant cette fête à Baudelot, ne faisait aucun tort au comité de salut public. Le comité de salut public n'y perdait pas un cheveu de Baudelot. Vous concevez donc que tous les regards furent bien tendres et tous les sourires bien tendres, et que plus d'un soupir s'échappa de toutes les poitrines à la vue du beau proscrit. Lui, enivré de tant de succès, il n'avait jamais été si plein de passion et d'amour. Aussi, quand pour la troisième fois il vint à faire danser la reine du bal, la blonde fiancée, il sentit que cette petite main tremblait dans la sienne, et il trembla à son tour. Car, jetant un regard sur cette jeune femme, il la trouva pâle et mourante. « Qu'avez-vous donc, Éléonore ? » lui dit-il. « Qu'avez-vous, madame ? Par pitié pour votre danseur, ne tremblez pas et ne pâlissez pas ainsi. » Et alors, se retournant vers les rideaux du salon, qui s'agitaient au son de la danse, elle lui montra déjà la première robe du jour qui blanchissait les rideaux. « Voici le jour, » dit-elle à Baudelot. « Eh bien, » dit Baudelot, « qu'importe. Voici le jour. J'ai passé la plus belle nuit de ma vie. Je vous ai vu, je vous ai aimé, et j'ai pu vous dire « je vous aime », parce que vous savez bien que les morts ne mentent pas. Et à présent, adieu, Éléonore, adieu. Soyez heureuse, et recevez la bénédiction du chouan. » C'était l'usage en Bretagne d'embrasser sa danseuse sur le front à la dernière contredanse. La contredanse finie, Baudelot appuya ses lèvres sur le front d'Éléonore. Éléonore se trouva mal, mais elle était si légère que tout son corps s'arrêta immobile, son front restant appuyé sur les lèvres de Baudelot. Cela dura une seconde. Elle reprit ses sens et Baudelot la reconduisit à sa place. Alors elle le fit asseoir à ses côtés et elle lui dit « Écoute, il faut partir. Écoute, On met les chevaux à la voiture qui va te conduire à Nantes. Écoute, dans 2 heures tu es mort. Fuis donc. Si tu veux, je pars avec toi. On ne dira pas que c'est la peur qui te fait fuir. On dira que c'est l'amour. Écoute, si tu ne pars pas tout seul ou avec moi, je me place sous les roues de la voiture et tu passeras sur mon corps brisé. » Elle disait cela tout bas, sans regarder Baudelot et presque en souriant, et tout comme si elle lui parlait d'un autre bal. Baudelot ne l'écoutait pas, mais il la regardait avec une joie qu'il n'avait jamais rencontrée au fond de son cœur. « Comme je l'aime !» se disait Baudelot. Quand elle eut tout dit, Baudelot reprit. « Vous savez bien que c'est impossible, Éléonore. Oh oui, si j'étais libre, vous n'auriez pas d'autre mari que moi. Mais je ne suis plus à personne, ni à moi ni à vous. Adieu donc, mon bel ange. Et si tu m'aimes, rends-moi cette fleur des champs que je t'ai envoyée de mon donjon. Rends-la-moi, Éléonore. La petite fleur apparaît ton sein, elle m'aidera à mourir. » Si on eût regardé Éléonore en ce moment, on se serait demandé, est-elle morte? Et en effet, le silence était solennel, la musique se taisait, le jour inondait les appartements, tout était dit. Tout à coup, un grand bruit de cavaliers de chevaux se fit entendre dehors. À ce bruit, qui venait du côté de Nantes, toutes les femmes, par un mouvement spontané, couvrirent Baudelot de leur corps. Mais c'étaient les soldats de Baudelot lui-même qui venaient délivrer leur maître. Ils avaient ouvert la maison. Ils étaient alors dans le jardin et ils allaient criant « Baudelot, Baudelot !» Les chouans furent bien étonnés de trouver leur jeune chef, qu'ils croyaient chargé de fer, entouré de femmes dans une parure d'éclat, et lui-même tout paré, comme ils ne l'avaient jamais vu. La première question que leur fit Baudelot fut celle-ci. « Êtes-vous entré au pigeonnier, messieurs ?»« Oui, » dit l'un d'eux. « C'est par là que nous avons commencé, capitaine. » Vous ne retrouverez plus le pigeonnier, ni vous, ni aucun des pigeons qui l'ont habité. Le pigeonnier est à bas. S'il en est ainsi, dit Baudelot en tirant son épée, me voilà dégagé de ma parole, et je suis libre. Merci, mes braves. Puis il ôta son chapeau. Madame, dit-il avec un son de voix très doux, recevez tous les humbles remerciements du captif. Baudelot demanda une voiture. Une voiture est là, tout attelée, capitaine, dit un des siens. Elle devait vous conduire à Nantes, à ce que nous a dit le propriétaire de la maison. En même temps, Baudelot aperçut Hamelin attaché avec ses propres cordes. « Capitaine Hamelin, reprit encore Baudelot, c'est une triste époque pour des fiançailles que ce temps de guerre civile et de sang répandu. On ne sait jamais si l'on ne sera pas dérangé le matin par un prisonnier à surveiller, ou le soir par des ennemis à recevoir. Promettez donc à un autre jour, s'il vous plaît, votre mariage. Voyez, votre fiancée elle-même vous en prie. Ma noble demoiselle, permettez à de pauvres chouans de vous reconduire au château de Mailly. Madame, le voulez-vous ? Et tous les jeunes chouans partirent au galop, tout joyeux d'avoir délivré leur capitaine et se pavanant au soleil qui se levait. Les pauvres enfants, ils avaient si peu de temps à jouir du soleil. Tous ces jeunes gens-là furent tués le même jour et à la même bataille où fut tué Catelineau le père. Car à présent, il y a 2 Catelineau qui sont morts pour la même cause, morts tous 2 en royalistes et en chrétiens. Ce que c'est que le bonheur des temps. Il y a des hommes qui sont immortels quoi qu'ils fassent. Baudelot de Derval ne fut pas tué bien qu'il n'eût pas quitté la Vendée 1 heure. Quand son pays fut moins inondé de sang, Baudelot épousa Éléonore de Mailly, le capitaine Hamelin signa un contrat comme adjoint municipal. Ainsi finit cette histoire. Mais n'admirez-vous pas comme moi le bonheur du comte de Baudelot ? Ainsi s'achève le mariage vendéen par Jules Janin.